الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى وصلوا أرحامكم وهو ما أمر الله به أن يوصل في كتابه الكريم والأرحام هم الأقارب من والدين وأبناء وإخوان وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات كل هؤلاء هم الأرحام وصلتهم بلين الجانب وبالدعاء لهم وبالإحسان إليهم وزيارتهم والصدقة عليهم وتقديم الهدايا كل ذلك من صلة الأرحام ثم علم رحمن الله وإياكم أن هذا الباب العظيم أعني صلة الرحم له فضائل كثيرة وهو عمل عظيم يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فصلة الرحم من أعمال البر والإيمان صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل جاء رجل من خثعم فقال يا رسول الله فقال أنت الذي تزعم أنك رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الإيمان بالله ثم قال يا رسول الله ثم ما؟ أي ماذا؟ قال ثم صلة الرحم قال يا رسول الله ثم ما؟ قال ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث صلة الرحم سبب إطالة الأعمار وبركتها وزيادة الرزق وبركته عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه فصلة الرحم سبب بركة العمر أي إطالة العمر أو بركتها والازدياد من المال والرزق من الله سبحانه وتعالى خرجه البخاري ومسلم وهكذا بصلة الأرحام يحفظك الله من إلاج النار ويوفقك الله سبحانه وتعالى لدخول الجنة جاء عربي فقال يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويبعدني من النار فقال لهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد وفق أو لقد هدي قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم قال صلى الله عليه وسلم وتصل الرحم وتصل الرحم فلما أدبر الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة دخل الجنة فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا أجمعين إلى صلة الأرحام. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. إخواني الكرام، صلة الرحم وصية رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال لأبي ذر أو حيث قال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي بخصال من الخير، أوصاني خليلي بخصال من الخير خير، إلى أن قال أوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت وإن أدبرت. رواه الطبراني وقال الألباني حديث صحيح رحمة الله عليهما. وهكذا بصلة الأرحام يكفر الله سبحانه وتعالى السيئات. عن ابن عمر رضي الله عنه قال أتى رجل إلى أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك والدان؟ وفي رواية هل لك أم أو أحي أمك؟ قال لا. قال فهل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، فبرها أي البر بالخالات بأقارب الأم، والبر بالأقارب بصفة عامة سبب تكفير الذنوب وإن كثرت وإن عظمت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت الرحم، أو قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش أي بعرش الرحمن، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. ومن أراد الصدقة فليبدأ برحمه، فهذا أعظم أجرا، فهذا أعظم أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح هو الذي أبطن في سريرته عداوتك، ومع ذلك أنت تقدم له الصدقات والهدايا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، احذروا من قطيعة الرحم، فإنه ذنب عظيم وله عقاب أليم في الدنيا قبل الآخرة، فإنها سبب لنعنة الله. قطيعة الرحم سبب للعنة الله وعقابه، وهو العزيز الجبار. قال الله في كتابه الكريم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم قال ربنا سبحانه وتعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي آية أخرى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى صلة الأرحام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شخخني الله سبحانه وتعالى veillez à maintenir solidement les liens de parenté. Veillez à honorer vos proches. Qui sont vos proches? Vos proches, ce sont les parents. Vos proches, ce sont les frères, les sœurs, les enfants. Vos proches, ce sont les oncles, paternels ou maternels. Ce sont les tantes, paternelles ou maternelles. Voici ce qu'on appelle les proches. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a ordonné de lier les liens de parenté. Et nous a informé que celui qui rompt, celui qui coupe, qui brise les liens de parenté, encourait une lourde menace et une lourde punition. Dans de très nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans plusieurs versets, on nous montre l'importance de ce sujet et la gravité de ne pas mettre en pratique cet ordre divin émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala et cet ordre que nous a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est tellement important que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il lie les liens de parenté. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il maintienne les liens de parenté. Et il nous cite cela, sallallahu alayhi wa sallam, entre le fait d'honorer l'invité et le fait de retenir sa langue, si ce n'est pour dire un bien. Donc ça nous montre que c'est une grande action par laquelle le serviteur se rapproche d'Allah. Et c'est un des points par lesquels s'extériorise la véracité de la foi de la personne. En maintenant les liens de parenté, tu auras mis en pratique une des actions qu'Allah aime le plus. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu la visite d'un homme de Khath'am, ce dernier lui a dit: es-tu celui qui prétend être le messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. Alors cet homme lui a dit: ô messager d'Allah, informe-moi des actions qu'Allah aime le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fait d'avoir la foi en Allah. Puis l'homme a dit ensuite au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: ensuite lier les liens de parenté. Il lui a encore dit ensuite au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fait de recommander le convenable et le fait de blâmer le blâmable. En liant les liens de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala allongera le terme de ta vie. Tu vivras plus longtemps. Les savants expliquaient cela en disant que soit Allah azza wa jal va ajouter des années à ta vie, ajouter du temps dans ta vie, ou bien il va bénir ton âge. Ainsi tu feras plus d'actions profitables. Ajoutez à cela que ça augmente la subsistance et les richesses de la personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui veut vivre plus longtemps ou bien celui qui souhaiterait se voir allonger la vie et augmenter sa subsistance, qu'il lie les liens de parenté. À un point tel qu'il nous dit dans un autre hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la richesse dans une famille, même si elle n'est pas pieuse, à partir du moment où il lie les liens de parenté, à partir du moment où ils ont des bons liens de parenté et ils les maintiennent. En liant les liens de parenté, Allah Azza wa Jal te préservera de l'enfer et te fera entrer au paradis. On lui demande de nous joindre au nombre de ceux qui entreront au paradis avec nos familles. Un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô Muhammad, informe-moi d'une action qui fait entrer au paradis et qui éloigne, ou bien d'une action qui me rapprochera du paradis et qui m'éloignera de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit, il a reçu la réussite, c'est-à-dire sa question est très pertinente, ou bien il a été guidé. Puis il lui a dit: tu adores Allah sans jamais rien lui associer, sans faire de shirk. Tu accomplis la prière, t'acquittes de la zakat et tu lis les liens de parenté. Lorsque cet homme est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il met en pratique ce qui lui a été commandé, assurément il entrera au paradis. Assurément il entrera au paradis. Le fait de lier les liens de parenté est donc une des plus grandes causes par lesquelles Allah azza wa jal fait entrer son serviteur au paradis. Ce point est tellement important, lier les liens de parenté, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait une recommandation à son bien-aimé Abu Dharr radiallahu anhu. Ce dernier nous dit: mon bien-aimé m'a fait des recommandations et il m'a commandé des actions faisant partie du bien. Et parmi ce qu'il nous cite, et il m'a commandé de lier les liens de parenté. Il m'a commandé le fait de lier les liens de parenté, d'être bien envers mes proches parents, même si eux me tournent le dos, même si eux se comportent mal envers moi. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu nous dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, j'ai commis un péché qui est très grave, est-ce que je peux me repentir? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que tes parents sont vivants? Dans une autre version, est-ce que ta mère est vivante? Alors l'homme a répondu non, c'est-à-dire qu'ils sont décédés. Puis il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que la sœur de ta mère est vivante? Est-ce que ta tante maternelle est vivante? Il a répondu oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: sois bien envers elle, sois bienfaisant envers elle. Les savants ont tiré de ce hadith que le fait d'être bienfaisant envers ses parents et envers ses proches est une des plus grandes causes par lesquelles Allah Azza wa Jal efface les péchés du serviteur. Et dans ce hadith, le compagnon qui est venu a dit: inni asabtu dhanban 'aziman, j'ai commis un péché qui est très grave. J'ai commis un péché qui est très grave. Donc la bienfaisance envers les proches est très lourde auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala en action. Et celui qui veut faire une aumône ou un cadeau, qu'il commence par ses proches. Ceci sera plus grand pour lui en récompense. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la meilleure aumône est l'aumône que tu fais à tes proches. L'aumône que tu fais à tes proches, ceux qui en eux ne t'aiment pas ou bien cachent de l'inimitié à ton égard. Il nous dit: Ar-Rahim, ou bien dire Rahim El-Kashir. Les savants expliquaient ce terme El-Kashir en disant que c'est la personne qui cache en elle de la haine à ton égard. Donc elle se comporte mal envers toi, malgré ça toi tu lis les liens de parenté et tu lui fais des aumônes et tu es bien envers elle. Pourquoi tu fais cela? Tu fais cela en signe de soumission devant Allah. Tu fais cela à la recherche de l'agrément d'Allah. Tu fais cela car tu es sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le comportement de la personne en face ne t'empêche pas de te rapprocher d'Allah, car en faisant cela, tu ne cherches que la récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tout comme il nous faut maintenir les liens de parenté, être bienfaisant envers eux, il nous faut prendre garde quant au fait de les couper, car c'est un péché très grave chez Allah subhanahu wa ta'ala, et la punition est très douloureuse, à un point tel qu'Allah azza wa jal nous informe dans le Coran, dans plusieurs versets de son livre béni, que celui qui rompt les liens de parenté est maudit auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui s'éloigne de ses parents, celui qui s'éloigne de ses proches, celui qui ne parle plus à ses proches, Allah dans le Coran nous montre que cette personne, Allah azza wa jal l'a maudit. Wa nas'alullah al-afiyah. Dans sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit, selon la traduction: après nous avoir montré ceux qui sèment le désordre sur la terre et ceux qui coupent les liens de parenté, il nous dit subhanahu wa ta'ala: ulaika alladhina la'anahumullah, voici ceux qu'Allah a maudit, fa asammahum wa a'ma absarahum, et il les a rendus sourds et il les a rendus aveugle. Donc comment est-ce que la personne pourrait ne pas craindre Allah Azza wa Jal devant ce péché? Comment est-ce que la personne pourrait couper les ponts avec ses proches après avoir su que si elle faisait cela, Allah Azza wa Jal allait la maudire? Quant à celui qui fait cela, comment est-ce qu'il peut rester dans son péché alors qu'il sait qu'il est maudit par Allah Tabaraka wa Ta'ala? Il doit se repentir immédiatement et aller trouver ce proche, s'excuser auprès de lui même s'il n'est pas en tort, afin de consolider et de renouer ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné, le fait de lier les liens de parenté. وقد تكفل الله عز وجل للرحم بأن يقطع من قطعها. Et Allah Azza wa Jal a garanti aux liens de parenté de briser et de rompre le lien avec toute personne qui ne liera pas les liens avec ses proches. Qu'il ne liera pas les liens avec ses proches à un point tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui lie les liens de parenté, Allah liera les liens avec lui. Et celui qui les coupe, Allah les coupera. Allah les coupera. Et Allah n'a pas besoin de nous, ni de nos actions, mais nous, on ne peut se passer d'Allah, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Les liens de parenté sont suspendus au arche d'Allah subhanahu wa ta'ala, au trône. Et elles disent, et les liens disent, dit, et comme c'est venu dans le hadith, ils invoquent ou bien disent, oh Allah, ou plutôt celui qui lie les liens de parenté, Allah lie les liens avec lui. Et celui qui brise les liens de parenté, Allah brise le lien avec lui. En délaissant les liens de parenté, tu te mets dans un danger extrême. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme c'est venu dans le hadith de Jubair ibn Mut'im radiallahu anhu, la yadkhulu al-jannata qati'a, n'entrera pas au paradis celui qui rompt les liens. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala nous dit, qati'a al-rahim, celui qui rompt les liens de parenté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'entrera pas au paradis. Wa hadha akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, fama a'zama hadha al-dhanb. Un homme de Khas'am est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, ya Rasulallah, ayyul amali abghadu ila Allah. Un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'action qu'Allah déteste le plus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-ishraku billah, le polythéisme. Puis il a dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, thumma qati'atul rahim, le fait de rompre les liens de parenté, ce qu'Allah déteste le plus. Le fait de rompre les liens de parenté. Puis il a dit le fait de commander le mal et d'interdire le bien. Et nous savons tous qu'ils ont un mérite sur nous, que ce soit les proches, que ce soit le père ou la mère, ou que ce soit les proches parents. Il nous wa hal jaza'ul ihsan illa al ihsan. Et est-ce que la rétribution du bien doit être, si ce n'est la rétribution, si ce n'est le fait d'avancer et de rembourser la personne avec du bien. Le croyant qui est véridique aime ce qu'Allah aime et déteste ce qu'Allah déteste, donc il doit aimer le fait de lier les liens de parenté et il doit détester le fait de les rompre. فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ أَوْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْجَنَّةِ. Dans un autre hadith, celui qui rompt les liens de parenté, Allah lui interdit l'entrée au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qu'il n'y a pas un péché par lequel Allah châtie plus vite, plus rapidement dans ce bas monde avec ce qu'il lui réserve dans l'au-delà que le fait de rompre les liens de parenté. Le fait de rompre les liens de parenté est une cause pour se faire châtier rapidement dans ce bas monde, sans compter ce qu'Allah a préparé en punition dans l'au-delà, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abi Bakr رضي الله عنه ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا وما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي c'est le fait d'agresser les gens, d'opprimer les gens. قطيعة الرحم, le fait de briser, de rompre les liens de parenté. Le fait de rompre les liens de parenté. Et certaines personnes, lorsque leurs proches leur font un mal, disent, je ne te parlerai plus. Naam, je ne te parlerai plus. Lorsque tu regardes les causes, ce sont des causes futiles. Ce sont des causes qui ont rapport avec l'argent, avec ce bas monde qui voit disparaître. Ou bien, ce sont des causes qui sont dues à l'orgueil. Ou bien, des causes qui sont dues à la médisance. Ou bien au colportage. On lui dit, un tel a dit cela sur toi. Ou un tel a parlé sur toi. Et toi, tu ouvres et tu tends ton oreille. Par la suite, il ne se parle plus. Tu peux même trouver deux frères de sang ayant le même père et la même mère, il ne se parle plus depuis un an, depuis deux ans. Et lorsque tu lui demandes des nouvelles, il lui dit, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu, je ne veux pas le voir. Et lorsque tu lui demandes la cause, c'est à cause du partage d'une terre, lors du décès du père ou de la mère, c'est à cause d'une répartition de l'héritage, c'est à cause de dunya. C'est à cause de dunya, ils sont prêts à sacrifier leur au-delà pour une partie de ce bas monde, qui n'équivaut pas, chez Allah Azza wa Jal, une gorgée d'eau ou bien l'aile. Ou bien l'aile, ou plutôt l'aile d'un moustique. Ou plutôt l'aile d'un moustique. Tu trouves même certains parents, iyadan billah, lorsqu'il y a une épreuve dans le couple, tu trouves que la mère monte les enfants contre le père. Ou que le père monte les enfants contre leur mère. Hadha haram, hadha min kaba'ir adh-dhunub. Ceci fait partie des grands péchés, des péchés qui sont les plus graves. Ou lorsqu'il y a un conflit familial, le père dit à son fils, tu ne parleras plus à ton oncle. Tu ne visiteras plus ton oncle. Tu ne parles plus à tes cousins. Hada haram. Ceci est haram, ceci est interdit. Il a l'obligation de lier les liens de parenté. Et si toi tu as un conflit, ne fais pas entrer tes enfants ni tes proches dans ce conflit. Mais crains Allah Azza wa Jal dans cela. Et tu es un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ses proches l'ont démenti, lorsque ses proches l'ont combattu, lorsque certains de ses proches même ont essayé de l'assassiner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'être bienfaisant envers eux. Il n'a cessé de les visiter et de les appeler à l'islam. À un point tel que lorsque son oncle Abu Talib était sur son lit de mort, il est venu le visiter et il l'invite à l'islam jusqu'à son dernier souffle. Vous avez un parfait exemple en la personne de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, lorsqu'il y a eu le mensonge qui s'est propagé sur sa propre fille, une des meilleures femmes au monde, Aïcha, la mère des croyants radiallahu anha, l'épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens l'ont accusé de ce dont Allah l'a innocenté dans le Coran. Et parmi eux, parmi ceux qui ont parlé sur elle, un des compagnons qui se nomme Mistah, radiallahu anhu, et c'était le fils de la tante de Abu Bakr. Lorsque Abu Bakr a su que Mistah avait parlé sur sa fille, après la révélation du Coran, il a juré par Allah. Il a juré par Allah qu'il ne donnera plus rien à Mistah, car Abu Bakr avait de l'argent. Et il donnait à Mistah qui était pauvre et qui faisait partie des muhajirin. Puis Allah a révélé le verset « وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْفَضْلِ أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِنِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Que ceux, que les hommes de mérite ne refusent pas de donner aux proches, aux pauvres, à ceux qui ont fait les gires, qu'ils pardonnent, absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Lorsque Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu a entendu ce verset, il a dit « Wallah, j'aime qu'Allah me pardonne » et il a continué à dépenser pour Mistah alors qu'il a parlé sur la femme préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Par ce lien de parenté. Par ce lien de parenté. Il nous faut maintenir les liens de parenté même si on a reçu une nuisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ça n'est pas lié les liens de parenté que d'être bien envers ceux qui sont bien. Mais lorsqu'ils te font du mal et lorsqu'ils coupent les liens de parenté, à toi de les lier. Là tu entreras dans ces textes. Là tu auras toutes ces récompenses. Craignez donc Allah tabaraka wa ta'ala et réconciliez-vous avec vos proches. Visitez vos proches, excusez vos proches et dépensez pour ceux qui n'ont pas voulu dépenser pour vous. Et soyez bienfaisants envers ceux qui vous ont fait du mal. Et on espère en Allah azza wa jal qu'il purifie nos cœurs et qu'il rétablisse ses liens. Et pour finir un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous dit « Man hajara akha sana faka'annahu safaka dama » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui rompt les liens avec son frère en Allah, pas son frère de sang, son frère en Allah, pendant un an, c'est comme s'il avait versé son sang. C'est comme s'il l'avait tué. Que dire alors si ce frère de sang est une personne de ta famille et qu'il a des liens de parenté que tu ne lui parles plus pour un sabab futile, pour une cause futile? Craignez Allah tabaraka wa ta'ala et liez les liens de parenté. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il y a l'oncle d'un fidèle de la mosquée qui est décédé. Il vous demande d'invoquer Allah en sa faveur. Fanas'alullah yaghfira lahu wa yarhamah wa yarfa'a darajati fil jannah. Bon nombre de personnes sont malades et vous demandent d'invoquer Allah azza wa jal en leur faveur, certaines mères, certains parents et proches. Fanas'alullah azza wa jal bi asma'il husna wa sifatil ula ayamunna alayhim ajma'in bil shifa'il ajil. On demande à Allah azza wa jal de accorder un prompt rétablissement. Aussi, madha. Comme vous le savez, je me répète, car nous sommes dans le besoin de vos dons pour élever cette mosquée. On espère en Allah Azza wa Jal qu'il fasse bouger les cœurs de l'ensemble afin qu'on puisse élever cet édifice. On vous demande de dépenser pour la construction de la mosquée. Et parmi les plus grandes épreuves, chers frères, le fait de perdre un enfant à la naissance ou dans le ventre. Et cette épreuve est arrivée à plusieurs personnes, que ce soit au temps du prophète ou à notre époque. Et inshallah ta'ala à 15h15 aujourd'hui on fera la prière sur sur un défunt, un bébé qui est l'enfant d'un des fidèles et d'un jeune du quartier, et on invoque Allah azza wa jal pour lui, son épouse et leur famille afin qu'il leur accorde le repos dans leur cœur, la tranquillité, l'acceptation de son décret et qu'il leur accorde une descendance pieuse. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك